émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial chronique du Whatty Boss volume 2. Passez une bonne soirée, c'est reparti pour les chroniques du Whatty Boss volume 2. Bienvenue à vous tous et bienvenue à l'équipe du Whatty B avec monsieur le Whatty Boss. Bah voilà, lui-même en personne. En personne et avec des invités de marque, du Masca. Label qui sont là ce soir. Masca, yes. Abou de Bang. La moitié de Shinsekai avec Abou qui est là. L'autre moitié arrive bientôt là. Bah, Black bien. M. Abou de Bang, Charlie Peace Bell. Well. Charlie Bell, qu'on n'a pas salué encore depuis le début de semaine. Comment ça va, mademoiselle? Bonsoir. Ça va très bien, et toi? En pleine forme? Ouais, très bien. Tout va bien? Tout va bien. Bon, est-ce que tout le monde est en forme? Est-ce que tout le monde est prêt au pour top. Cette nouvelle soirée dans Planète Rap? On va évidemment évoquer une grosse sortie pour le label Whatty B. C'est la sortie de Masca, ça approche? Ouais, ça approche. Dans un peu plus d'un mois. Dans un mois. Le 20 octobre. 20 octobre. Le 20 octobre. Là, ça fait 3 ans que je travaille d'arrache-pied sur cet album. Mmh. Où on écoute, on se remet en question, on progresse. J'ai même pris des cours de chant pour pouvoir peaufiner le truc. Donc je me suis vraiment pris la tête sur cet album qui sort le 20 octobre dans les bacs. Et j'espère que ça sera à mes attentes, que les gens vont l'accueillir. Comme, bon, ça se passe bien. En tout cas, il y a un gros morceau qui a tourné là, de tout l'été, même avant l'été d'ailleurs, qui a tourné. Ouais, là, il y a Prix pour moi qui a tourné. Là, vous avez enchaîné avec Profiter de ma life. Que t'as présenté chez Difool d'ailleurs. Exactement. Donc là, vous le tournez. Ça, c'est aussi extrait de mon album qui sort le 20 octobre. Donc voilà, on est content. Ça se passe. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. Est-ce que ce soir, on a une exclue? Est-ce qu'on a quelque chose? Chaque fois que tu viens, on a été gâté. Je me souviens que Prix pour moi, on l'avait eu. On avait balancé 50 secondes, une minute, juste avant qu'on le balance en intégralité. Ouais. Donc est-ce que ce soir, on a, je sais pas, est-ce qu'on va apprendre quelque chose? Est-ce que tu es venu avec un petit cadeau ce soir? Ouais, toujours un petit cadeau, comme tu le dis. Hein. Mm-hmm. Donc là, ça va pas être parce que les gros morceaux comme Profiter de ma life ou Prix pour moi, ça, on vous le donne en exclu pour que vous le jouez sur les ondes. Là, on va faire plus une performance rap, très rap, avec Abou de Ben qui est là. Et c'est un morceau qui se trouve sur mon album Espace-temps. Mmh. Donc on va le faire quand ça sera l'heure du freestyle. Et qui s'appelle Ying et Yang. Ying et Yang. Ouais, ah, je vois un grand sourire de la part d'Abou de Bang. Non, ça va ou quoi, Fred? Bah et toi? Ouais, on pète la forme. Hier, on s'est mis sur Office. On était dans la salle du temps avec Masca pour réviser ça correctement, vu que c'est une grosse performance live. Sinon, ça va, j'ai le sourire parce qu'en fait, tu me regardes avec un sourire en coin. C'est juste pour ça. Bah non, parce que je suis content de vous retrouver. Ah, voilà, merci, je suis content de vous retrouver. Hier, il n'était pas là. Il nous a manqué, mais là, tout le monde est pratiquement là. Et lui, la casquette, où, Fred? À la casquette, je sais pas, j'attends d'en avoir une nouvelle ce soir, en fait. Mais j'ai récupéré des doigts dans le studio qu'on a affiché, si vous pouvez les voir. Ça va être dément dans les concerts, ça. Ah, hein. Tu les aimes bien, les doigts? Comme les matchs de basket, en fait. Ça, match de basket. Ah bah, ce soir, allez, les bleus, ce soir. Allez, les bleus, ouais. Allez, les bleus, il y a un autre grand match. On va pas parler, sinon on va commencer à exciter le Parisien. On en parlera à la fin. Qu'est-ce qu'il y a? Algérie-Mali, c'est quand, c'est en ce moment là? C'est ce soir? 21h30. Voilà. C'est vrai que toi, t'as les origines maliennes. Je suis malien. Là, ça va être un grand match. Je vais bien avec mes amis algériens, mais ce soir, il n'y a pas de 1, 2, 3. Ce soir, il y a Bio Buddy. Et bien, on suivra ça. Vous avez un nouvel entraîneur aussi pour l'Algérie qui vient de l'Orient, Gourcuff, qui est arrivé. Bon, ça s'est bien passé la dernière fois, Momo. T'es content? Est-ce que là, le Mali, un petit pronostic? On est premier, nous, déjà dans le groupe. Parce qu'on a marqué 2-0, on a gagné 2-0. Combien? On est premier. Donc là, on se déplace là-bas. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Hein. Très bien, on suivra ça. Dans un instant, tiens, tu sais quoi? On a été dans la rue demander aux gens ce que ça évoquait pour eux, le label Whatty B. Ah ouais? Ouais. On était demandé comme ça des gens dans la rue ce que ça pouvait évoquer pour eux. Donc vous aurez la réponse dans quelques minutes. Mais juste avant, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. C'est parti. Le replay. Fred, oui. Il paraît qu'on est en top 8. Déjà direct, déjà dans les oreilles. Au calme. Ah, incroyable. Direct d'entrée de jeu, le Whatty Boss sur Skyrock est déjà entêté. Whatty Boss, Chabani. Espèce de quiz, ce sera à vous de reconnaître les morceaux. Ils sont tous issus de vos carrières. De reconnaître nos propres morceaux à nous. C'est peut-être un peu trop facile, non? C'est pas si simple. Troisième extrait. Yeah. J'ai vu des trucs qui voyaient pas. Black M. Mais chronique du mystère, non? Déjà, c'est pas les chroniques du mystère. Écoute, écoute. C'est un point pour l'Inso. C'était dans l'inter du milieu. Attends, je dis avant. Ça, c'est le super jackpot. C'est-à-dire que si vous avez cet extrait, c'est vous qui remportez le quiz, le blind test. Attention, piège, on écoute. C'est quoi ça? Avant qu'elle parte, Avant qu'elle parte. Avant qu'elle parte. Mais qui mais qui a transformé la section d'Inso? Non, c'est une chorale, mais je ne pourrais pas te dire le nom. Il fallait trouver le collège Romain Rolland à Erstein, dans le Bas-Rhin, en Alsace. Tous les morceaux que t'as passé, voilà, ils font partie du morceau, ils font partie de la vie du Wattie Boy. Bon allez, c'est parti pour le live HQ. C'est parti maintenant sur Skyrock. Elle ne m'a jamais épousé. Yeah. Certains l'appellent la chance, et moi, elle n'est jamais de mon côté. Jamais. J'ai cru deux fois qu'elle me faisait signe. Sur la même longueur. Mais c'était souvent l'autre type à qui elle faisait sauter le plafond. Elle m'a toujours contourné. Docteur Berry, car j'aime le cœur, je rêve de la détourner. Chronique de Wattie Boss, volume 2. Voilà pour le raccourci de l'émission d'hier soir entre 20 et 21. Ce soir encore plein de surprises, du live aussi de prévu ce soir dans l'émission. Oui, bien sûr. Charlie Bell va chanter. Oui. Tu vas nous enchanter de ta voix. Oui, et avec plaisir. Ce sera quoi? C'est un morceau inédit? Un morceau des chroniques. Un morceau des chroniques. Ouais. Très bien, bah ce sera à suivre tout à l'heure avant 21h et on débute non pas comme chaque soir mais avec un autre morceau. On n'a pas eu le temps de le passer hier soir. Et je pensais qu'Elio il allait venir. Normalement il est sur la route, là il est pas là, mais voilà, c'est un gros morceau. Il y a JR d'ailleurs, il est là. JR qui vient d'arriver. Et il y a Elio dedans, un très très gros morceau. Bonsoir, bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ça va, au calme Fred? Et toi? Ouais, ça va. Bien. Donc c'est un morceau, tu veux dire un mot sur le morceau qu'on va passer maintenant? Ouais, c'est un son qu'on a fait avec avec Petro, t'as vu? Morceau kickage, tout ça. Dans la section, je suis connu pour le kickage, moi. Moi, personnellement, c'est un de mes préférés, moi. Je suis venu découper le bail, non, je rigole. Et bon, Petro aussi, là. Ah ben voilà, regarde, il est là, Petro Dollar. Il est un bon morceau, Petro, mais il va mieux vous en parler que moi. Il va mieux vous en parler que moi. Je suis invité sur le morceau. T'arrives pile poil au morceau que l'on va balancer maintenant, Elio. Le boulevard de la Hesse. Exactement. Je peux en parler un peu? Vas-y. Ok, c'est un gros morceau rap. Rue, street, crédible. C'est, les gens disent que dans Wattie B ça rappe plus. Avec ce morceau, franchement, vous allez voir que ça kick. C'est un morceau pour tous les mecs qui sont allés en tôle, tous les mecs qui ont bicrave, tous les mecs qui ont eu des problèmes, qui sont passés par des vrais trucs. Tu vois ce que je veux dire? Boulevard de la Hesse. C'est comme ça qu'on a grandi. Voilà quoi. Et Elio Petro Dollar, il est venu, il est pas venu tout seul, il est venu avec son mana. Aïe. Allez, c'est parti maintenant. HQ, quand tu veux. C'est extrait des chroniques du Wattie B, ça sort lundi 15. Le 15 septembre dans les bacs. Au boulevard. J'habite dans le 75 boulevard de la Danube. J'habite dans le 75 boulevard de la Dans ma tête, je suis déjà vieux, je sais même plus pourquoi j'ai la haine. Le soir, je demande pardon à Dieu. Le lendemain matin, c'est la même. Depuis petit, je vis la nuit. La lune est devenue mon soleil. Pour résoudre mes ennuis, je réfléchis même dans mon sommeil. Ils jouent les gangsters, mais ces gars sont innocents. La rue nous respecte parce qu'elle a vu couler nos sangs. Habitués au risque, on a perdu les notions. Anesthésie au shit, on a même plus d'émotions. Perquise, expulsion, c'est nous, c'est la routine. Mes tristes pulsions, vénère à la poutine. Plus que Marley, mène la vie de Marlowe. Arrête de parler, c'est l'amour parlu. J'tise pas de 8-6. Sur scène, on fout le feu sans artifice. On aime les poulets que dans les boîtes de 6. Si personne te drague, y'a que les balles qui tiffent. Oui. Famille, y'a des toxicos dans l'espoir. Oui. Les mineurs bourrés cachés dans l'espoir. Oui. C'est pas un son, c'est une partie de notre histoire. Et si la jalousie a égorgé l'espoir. J'habite dans les 75 de la part de la Hesse. Profond, c'est merde, des rêves. Chacun s'en fait qu'une, c'est comme mon carcasse. J'habite dans les 75 de la part de la Hesse. Profond, c'est merde, des rêves. Chacun s'en fait qu'une, c'est comme mon carcasse. J'habite dans les 75 de la part de la Hesse. Dans tous les quartiers, désolé monsieur, là jamais j'ai pas la placard. C'est la Hesse, c'est chaud, repose des merdes. Chacun se pécule, c'est comme au car plat. C'est la vente que je tube dans tous les quartiers. Désolé monsieur, là jamais j'ai pas la placard. Pour un mec suspect qui arrache le terre-terre. Quand la dalle qui fausse au dépôt son casse-dalle. Pour un mec du tout, comme un bel filzou. Qu'on essaie du sang, mais pire qu'un cartage. Dans la ville, on va l'idée, dans la ville, on va l'humilier. Dans ma ville, c'est spé, claquer déséquilibré. T'es pas demandé la paix, qu'on est recours sous les pieds. Qui disent comme tes porcs, mais qu'on rien c'est les pieds. Pour les mecs que j'avais fait de sport, les bas années qui dorment. Les Sénégalais, gringalais, qu'on avance à muscle. Pas non, mais c'est pas le clan, mais j'ai vu des bikers. La famille, c'est pas du ciné, j'ai pas de popcorn. Hey, tu veux t'espérer la clique, viens nous mordre. What you bitch, tu les gros sur un hors-bord. PS bar planté comme les transports. Les couches lâches dans la net et c'est non-stop. Les quêtes plates dans les hautes, mais qui sont forts. Des one-one à l'arrache, mais sans grand box. Le vacarme et les nuits sont sonores. Si t'entends plus de bruit, c'est la grosse corde. Dans la nuit, je suis dans les patous. Brusqué, ça, son euro ressemble à celle de Brooklyn. Père, qu'on est bourré de gonfler les courses. Brusqué, pour toi, les nasses au canon s'y est calé. Laisse comme Mathieu, mec, a pété les ponts. Chez Conquête, peu qu'on a quitté la rue des banques. Qu'est-ce qu'on se lève, y'a qu'avoir le faux des bâtiments. Gros, c'est la fin du gain que nous a dit de raqueter les banques. J'traîne ma couleur et ben time, mais j'ai fait la guerre. On marche plus des kilomètres pour faire les millions de billigens. Cassera les BPM, cash, t'aimes aller des gaines. Black, on est prolétaire, cash, mais c'est dans les veines. Les chroniques du Whatty Boss volume 2, le 15 septembre dans les bacs. C'est le 15 septembre dans les bacs, ça arrive, hein. C'est dans c'est déjà 5 jours. Sur iTunes. Ah, on peut y aller en précommande. Ouais. Exactement. Et puis pour tous ceux qui aiment bien l'objet, il y a aussi donc la fameuse réalité augmentée, on en a parlé un petit peu hier. Je vois que vous avez tous révisé. Spécial Whatty. Voilà, spécial Whatty B à l'honneur cette semaine entre 20h et 21h. Tiens, d'ailleurs, on va aller faire un tour dans la rue maintenant. On y a été, on a été demandé aux gens ce qu'évoquait pour eux le nom Whatty B. Alors soyez bien attentifs. On écoute. On écoute ? On a l'écoute. Allez, c'est le son de la rue maintenant sur Skyrock. Skyrock. Attends, c'est sérieux ? Eh là, je pense... je m'en rends direct sur Skyrock. Tout le monde écoute, c'est... ça rentre vite dans la tête. On s'ambiance bien avec, ça va. C'est jamais écouté, quoi. Pour l'été et tout, c'est cool. Je suis pas fan, mais j'aime bien, quoi. J'apprécie. Ils savent donner goût à tout le monde. Donc ils ont tout compris à la musique. Le Fage j'ai toujours revient sur la scène. Ah ouais. C'est pas la section d'assaut ça. Franchement moi j'aime bien tout ce qu'ils font. Pour moi déjà depuis le début c'était le futur tu vois. Qu'est-ce que ça t'évoque le Whatty B? Ma section d'assaut c'est putain. Whatty B c'est la base. C'est la base du rap. Avant ah, section d'assaut c'est tu peux plein de gens, tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi j'adore Black M, il est trop beau. J'aime bien leur style de musique ça. Leur marque et tout. C'est un truc de rap. Franchement je trouve que c'est un bon groupe tu vois. Ils donnent tout ce qu'ils ont, ils encouragent franchement. J'espère qu'ils vont continuer dans leur label, qu'ils vont continuer, vont poursuivre leur succès. J'écoute leur musique, c'est sur leur son que je me défoule. C'est cool, en plus ils sont acharnés, ça se voit, ça s'entend dans les textes. Vous connaissez pas vous les parents? Si, on achète des casquettes. Il y a des sons, ils sont pas mal. Bah, ils ont du style. C'est comme ça les gars, c'est ouais. Quand... Et c'est quand vous retrouvez là, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait un son ensemble. Dans Whatty B? Ouais. Tout le monde. Tous, ouais, ils ont tous un talent en particulier. Maintenant je dirais Shinsekai. Ils sont grave forts et tout, hein. Ils ont de la technique et tout. Ouais, on aime bien. On aime bien. C'est Whatty bien. C'est Whatty bien, voilà. Whatty boss. Et voilà le petit son de la rue. On est positif, content. Bah ouais, positif, mais tu m'étonnes positif. Ouais. Non mais c'est vrai que voilà, ça apporte en tout cas plein de choses aux gens, mais je pense que vous le ressentez aussi quand vous êtes en concert, quand vous baladez. Voilà. En concert, on le ressent fort. Ouais, c'est un truc. Fort. Bah toi tu vas repartir bientôt en tournée, tiens. Je repars pas tout seul, je suis avec tout le monde, je suis avec le Whatty B toujours. Dès le 11 octobre, ce sera en Suisse, il y aura le 12, ensuite ouais. À Saint-Julien en Alban, Pessac, Dijon, la tournée des Zénith, une grosse tournée aussi Zénith. Ouais. Vous savez par Clermont-Ferrand, Rennes, Caen, Rouen, Lille, Paris, ce sera le 4 décembre. 4 décembre. Zénith de Paris, il y aura aussi évidemment pour les Marseillais le 21 novembre mm-hmm. au Dôme, bref une grosse tournée avec Black M. Yes. C'est on pour la fin de l'année 2014. Un gros show dans chaque ville. Et puis il y a aussi une rencontre avec l'équipe du Whatty B. Exactement. À l'occasion de la sortie de l'album dès le 15 septembre. Ouais, le 15 septembre c'est tout le Whatty B qui a rendez-vous à 29 rue de la Ferronnerie. C'est bien, tu t'es pas planté sur le numéro d'avoir. Non, les travaux sont finis, je suis parti regarder. Et voilà, après on va tourner un peu partout, on va être à Caen, bon Caen on est partenaire avec 17 eux. Septembre, ouais. Voilà, le 17, après on sera à Marseille. Bon, Marseille c'est Montpellier avant 19. 19 Montpellier, Marseille. C'est la boutique officielle, après on sera à Toulouse le 24 septembre. à Toulouse. Après, on sera à Nevers le 22. 7 Nevers. Nevers. Never. Never. Never. Never. Le 25. C'est le 26, 26 plutôt. 26 à Bordeaux. Je vois pas clair. Dawala, il va falloir porter des lunettes, Dawala. Bon, bah, allez faire un tour pour rencontrer justement les membres de l'équipe. Et puis, on le disait aussi en début d'émission, il y a un projet qui arrive lourd, celui de Masca. Ouais, c'est Masca, mais je crois qu'on a oublié d'appuyer que Masca, c'est quelqu'un qui fait pas les choses à moitié. C'est quelqu'un, comme il a dit, ça fait longtemps qu'il est sur son album. Et aujourd'hui, s'il décide de le sortir, c'est que l'album est mûr. Et j'ai écouté des morceaux, de toute façon il y a beaucoup de morceaux qui tournent là en radio, en télé, et c'est du très très lourd. Donc aujourd'hui, de toute façon, il est venu, il va nous faire une petite démonstration avec son alcoolique. Son alcoolique. Alcoolique. Parce que lui non, c'est alcoolique. T'étais sérieux? Non, c'est alcoolique. Il est net, tu peux dire alcoolite, c'est pas alcoolique. Non, je sais, c'est alcoolique. Non, mais lui, parce qu'il est alcoolique, c'est pour ça que je dis ça. J'ai pas compris encore là. Ah, les dossiers sont sortis ce soir. Les dossiers sont de sortie. Les dossiers sont C'est voilà. Donc pour toi, le droit de réponse de l'alcoolique. L'alcoolique. Non, il boit de l'eau, lui. Il a fini en moi, je me bourre. T'as vu, regarde déjà comment il bégaye. Moi, je veux. C'est alcoolique. Bon, on découvrira un morceau, donc le Ying et le Yang. On découvrira ce morceau en live avec toi. Qui est, oui, c'est ça, en effet. Très bonne question, Black M. Qui est le Ying, qui est le Yang? Quelle est la partie qui s'appelle le Ying? C'est la blanche ou la noire? Oh putain, t'es technique. Dawala, toi qui connais tout. C'est le blanc. Le Ying. C'est le Yang alors. D'accord, très bien. On découvrira ça tout à l'heure. Chabba. Un morceau alcoolisé tout à l'heure. Ne quittez pas, restez bien. Si c'est bon ou pas. Et puis la sortie d'Espace-Temps, c'est en effet le 20 octobre, à pas louper. L'album de Masqué, on aura l'occasion d'en parler évidemment pour un Planète Rap spécial. On met un autre morceau. Ouais, on va mettre Billet facile. Non. Madame la chance. Madame la chance, très bien. Madame la chance. Madame la chance, c'est extrait des chroniques du Wati Boss qui sort lundi 15. C'est parti. L'alliance. Des millions de gens qui disparaissent sans conséquence. Je fais partie des millions de gens qui disparaissent. 15 septembre, n'oubliez pas. 45 je fais partie des millions de gens qui disparaissent sans conséquence. Mugawagi. Je fais partie des millions de gens Sarcelle. Qui disparaissent sans conséquence. Elle ne m'a jamais épousé. Certains l'appellent la chance, moi. Elle n'est jamais de mon côté. J'ai cru deux fois qu'elle me faisait signe sur la même longueur d'onde. Mais c'était souvent l'autre type à qui elle faisait sauter le plafond. Elle m'a toujours contourné. Peine de cœur, je rêve de la détourner. Certains sont touchés par la grâce, d'autres par la poisse. On me dit choisis ta voie, alors face à moi y'a qu'une impasse. J'ai vu que je touchais pas au but, mes mots créent des passes. Car habitué du vent de touche, j'ai peu de face à face. Mais il paraît que ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais c'est les nôtres qui paient la note. Moi comme tous ces Boeing, mon rêve est de la détourner. Au pied du mur, comment la voir si j'ai le dos tourné? J'ai vu le bonheur passer comme une étoile filante. Ça va fêter le réveillon sur un capot baissant guirlande. J'ai tout misé sur l'écriture à défaut de finir chef de gang. Les seules étoiles qu'on voit briller se trouvent dans les stades ou sur les champs. J'ai pas toujours été au top, d'ailleurs je me demande à quand mon tour. J'ai mis du temps mais pour apprendre à tenir sans fléchir sur les genoux. Certains l'attendent sans réfléchir avec les naseaux pleines de poudre. On la convoite au clair de lune tout comme dans les tribus papou. Ne m'a jamais épousé. Certains l'appellent la chance, moi. Elle n'est jamais de mon côté. J'ai cru deux fois qu'elle me faisait signe sur la même longueur d'onde. Dr. Beris. Mais c'était souvent l'autre type. Genius. À qui elle faisait sauter le plafond. Garden. Elle m'a toujours contourné. Peine de cœur, je rêve de la détourner. Je vois le paradis à quelques kilomètres. Le navire a chaviré et ma bonne étoile a prévu la même. Mon compagnon, le désespoir, me rappelle qu'on ne sait pas nager. Ma descendance ne saura jamais où mon corps a pu échouer. Combien on a perdu la vie? Et combien ils pensent tous les jours? Et si personne bouge? Yeah, yeah, yeah, Darcy 93230. Elle ne m'a jamais épousé. Certains l'appellent la chance, moi. Elle n'est jamais de mon côté. Le docteur. J'ai cru des fois qu'il me faisait signe sur la même longueur d'onde. Mais c'était souvent l'autre type. Le 15 septembre dans les bacs, je faisais sauter le plafond. Elle m'a toujours contourné. Peine de cœur, je rêve de la détourner. Une douleur sans médicament. Je vous parle d'une vie du tiers-monde. La valeur d'une âme en diamant. Méprisée qui vient du tiers-monde. Je suis le reflet de ce que je vis, j'avance avec un garde de glace. Le savoir est une arme, on peut blesser avec des mots. Elio, Petrogolam, soldat, section d'assaut. J'ai toujours retenu mes larmes parce que j'aime pas gaspiller l'eau. Restez lucide, c'est déjà une réussite. Je dois mourir avec une arme, je pense au braquage, pas au suicide. Elle m'a abandonné, depuis ce jour-là ça va pas. Certains l'appellent la chance, moi j'appelle ça la baraka. Quand j'étais petit, je croyais que j'étais son préféré. J'y échappais de justesse quand les autres faisaient déférer. Elle me rappelle en masqué, donc souvent je décroche pas. Je croyais qu'elle me faisait du pied, en fait c'était un croche-patte. Elle ne m'a jamais épousé. Certains l'appellent la chance, moi elle n'est jamais de mon côté. J'ai cru deux fois qu'elle me faisait signe sur la même longueur d'onde. Mais c'était souvent l'autre type à qui elle faisait sauter le plafond. Je fais partie des millions de gens qui disparaissent sans conséquence. Je fais partie des millions de gens qui disparaissent sans qu'on y pense. Je fais partie des millions de gens qui disparaissent sans conséquence. Je fais partie des millions de gens qui disparaissent sans qu'on y pense. À l'instant, c'est extrait de l'album Les Chroniques du Wattie Boss qui sort le 15 septembre. Madame la Chance. Gros morceau. Celui-ci de l'album. Gros morceau, ouais. J'ai l'impression qu'il y a plein de gros morceaux sur l'album. Ah, franchement, il y a des gros morceaux. Il y a un mec qui a fait beaucoup parler de lui sur ce projet. C'est mon gars sûr. Belize, Dr Belize, tu vois. Il est sur des gros refrains. Franchement, on est content aujourd'hui. Il est partout en ce moment. Tu peux le retrouver sur la légende Black. Tu peux le retrouver aussi sur les projets à venir de Maska. Mm-hmm. Il est partout, là. Il est en forme. Il donne. Et on peut peut-être saluer les arrivants, là, ce soir dans l'émission. Il y a monsieur Doumams qui vient de nous rejoindre aussi. Bonsoir tout le monde. Et l'autre moitié de The Shinsekai. Yeah. Dadjo Aboutin, les deux sont là. Comment ça va, messieurs? On pète la forme là. Mais c'est parce que j'ai suivi Siler en fait. Au lieu de tourner à gauche, il est déter, tourner à droite, vendetta. Dans la caisse. Non, on sort d'un gros truc en plus, Black. Tu l'auras pas dit, on a pas. Non. De quoi? On sort d'un très gros clip là. Je ne dirai rien. Qui est toujours c'est, dans. C'est le nom du morceau, hein. C'est le nom du morceau, ouais. Des yeux plus gros que le monde. Donc, on était loin là, dans le 9-2 là. Il fallait arriver à l'heure. Et on a suivi Siler, on s'est perdu, tu vois. Parce que Black M était là à l'heure, je dis ça, mais. Oui, c'est un truc d'eau. Comme c'est son nom, j'ai fait tous les jours, tous les soirs pour l'instant, Black M c'est le plus assidu. Et donc, voilà, j'ai entendu Boulevard de la Hesse. C'est vraiment un de mes sons préférés. Je l'ai entendu quand j'étais dans la voiture là. C'est un de mes sons préférés. Je trouve que vraiment dans les chroniques du Wattie Boss, celui qui a le plus performé, celui qui a les meilleurs couplets, tout ça, je pense que vraiment c'est Lio sans bire. Je pense que c'est Elio Petro Dallas. Qui est là avec nous. Franchement, merci beaucoup Dadjo. Ça me touche, c'est gentil. Non mais c'est sincère. Donc voilà, c'est sûrement la personne, les gens ne s'attendaient pas à ce que Lio il kick comme ça, il fasse des trucs de ouf comme ça. Et ben non, et puis Lio il arrive avec son G-Pro qui va être sale aussi. Donc, et la fin. Tous ceux qui vont écouter les chroniques du Wattie Boss seront de mon avis. Bref. Sinon, ne venez même pas à la scène. Il faut suivre tout le monde dans le Wattie Boss entre 20h et 21h. J'aimerais bien aussi qu'on laisse parler un petit peu Charlie, parce que quand même une des deux filles d'ailleurs du label. Elle arrive, Linda, Charlie. En fait. Ça va bien ? Ils oublient souvent les filles. Bah oui, ils oublient. Ah, mais, le premier jour. Vous négligez les nains. Qu'est-ce qui se passe ? T'as parlé de Charlie, Ben ? C'est des machos. Le premier, hier. Je t'ai dit qu'elle sortait quoi ? Son EP. Son EP. Le. Le 20, vers le 20 novembre. Ah, ok. Vers, parce qu'il y avait vers. Déjà vers le. Même, je sais ça pas dépend. Le temps non, sort, c'est vers le 32 novembre. Non, mi-novembre. Non, c'est en novembre. En tout cas. Ça va sortir sur le. Qu'est-ce qu'on pourra entendre dans ce EP, Charlie, s'il te plaît ? Plein de nouveaux morceaux. On pourra retrouver deux morceaux que j'avais sur le net. Parce que voilà, cette année j'ai lâché pas mal de morceaux sur le net qui ont bien tourné. Tu travailles beaucoup avec le net, hein. Moi je vois beaucoup de photos de toi, beaucoup de choses. Ouais, je suis contente, ça m'a permis un peu de me faire connaître et tout. Donc, elle a beaucoup de clips. T'as beaucoup de clips aussi. Ouais, j'ai beaucoup de clips. Voilà. Et on peut la retrouver là sur les chroniques du Wachi Boss. Voilà. D'ailleurs, elle a un clip, elle a au moins deux clips qui sont dedans qui vont bientôt sortir là. Et elle va nous faire un live aujourd'hui. C'est ça, Charlie? Si voilà, ouais. Dis-moi. Et on mettra aussi le morceau J'ai toujours su. J'ai toujours su, ouais, que j'ai fait avec JR et Doumams, exact. Et bah très bien, en plus, ils sont là, ça tombe bien. Avec JR et Doumams et Charlie aussi qui est présente sur ce morceau. On va l'écouter juste après la pub, dans un instant. Et donc aux alentours du 20 novembre. Voilà, ouais, mon premier projet, je suis contente. Voilà, on verra bien. Et bon, on va suivre ça. Merci. Et puis en attendant, c'est vrai qu'on te retrouve sur les chroniques du Wati Boss. Bougez pas dans un instant. Sur YouTube. On va revenir inscription pour faire un freestyle ou alors pour la roulette. Allez-y, c'est au 41759. Petite question aussi pour repartir, parce qu'hier j'ai oublié de poser la question pour repartir avec les chroniques du Wati Boss. Volume 2, question simple. Quel anniversaire a-t-on fêté lundi dans l'émission? Il y a eu un gâteau qui est arrivé. Quel était cet anniversaire? Si vous avez la bonne réponse au 41759, vous repartez avec le projet Les Chroniques du Wati Boss. L'un ou l'une d'entre vous repartira avec ce projet. Bougez pas, on revient après ça. Comme toi. Ils ont tous choisi Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Avec les chroniques du Wati Boss volume 2, tout le monde est là, ou pratiquement tout le label, avec Maska qu'on retrouvera en live aux côtés d'Abou de Bang. Une exclue de son album, on pourra découvrir ça dans Shinsekai, ils sont là. Shinsekai. Black M est là aussi. DJ H. Gyrochrome, Doumams, Vendetta est là aussi. Ils sont là entre 20 et 21. On va passer le morceau dans un instant. D'ailleurs, on retrouve JR et Doumams et Charlie Bell. Le morceau J'ai toujours su. Juste avant, j'ai posé une petite question avant la pub qui était quel anniversaire a-t-on fêté lundi soir dans l'émission entre 20h et 21h? Et c'est Chloé d'Angoulême qui nous a appelé et qui a été la plus rapide. Salut Chloé. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Je te présente le WA. Merci, bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Bon alors, qu'est-ce qu'on a fêté lundi soir dans l'émission? On a fêté les 15 ans de Dawala dans la musique, du label. Exact, les bravo. 15 ans du WA, lourd. Allez, c'est pour toi Chloé, tu repars avec l'album dédicacé des chroniques du Wati Boss volume 2, on t'envoie ça. T'as un mot merci à dire beaucoup à quelqu'un en particulier? Ouais, déjà je voudrais faire une grosse dédicace à tous ceux qui m'écoutent. Louise, Marina, Sybille, Justine, ma cousine Jody. Et je voudrais dédicacer tout le WA et surtout Doumam CJR. Voilà, moi j'attends le projet avec beaucoup d'impatience. JR, Doumams. Chloé d'Angoulême qui attend avec impatience le projet. Moi, j'attends que ça, Vendetta et tout. Vendetta. Ah, bonsoir. Comment bonsoir. Tu t'appelles? Chloé. Aïe Chloé, on est ensemble, Vendetta, t'inquiète, ça va arriver. Début 2015, Charles. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Chloé, messieurs, autour de Vendetta? Qu'elle va pas être déçue. Franchement, tu vas pas être déçu, là, on travaille dur en ce moment, tout ça, et moi je pense que tu vas pas être déçu. Premier extrait bientôt, il va arriver dans quelques temps, et ça va faire mal. T'inquiète pas. Pas de problème. Yes. J'attends, en tout cas. Le message est bien passé, Chloé, en tout cas. Ok, pas de soucis. Tu vas d'ailleurs les retrouver, JR et Doumams, aux côtés de Charlie Bell, maintenant sur un titre extrait des chroniques du Wati Boss volume 2. Morceau J'ai toujours su. On le balance et on te fait un bisou, Chloé. Allez, bisous à tout le monde. Ciao, c'est parti, j'ai toujours su. Permettez-moi de mettre les voiles. Je suis plus à boîte, si j'aime autant les raccourcis, c'est que j'ai dû contourner la droite. Déroulez-moi le tapis rouge, j'essuierai bien ma paire de Nike. Tellement de cake sous la smette, on ressent l'odeur sur la maille. Hey. Passe à coup de balai pour le bazar de mes tantis. C'est toujours là pour nous consoler quand les balles retentissent. Et tant pis que ça plaise pas, comme j'ai l'esprit tranquille. Tant pis que ça plaise pas, au moins j'ai l'esprit tranquille. Sache que j'ai toujours su que j'allais m'en sortir. Malgré les pantalons velours, la chemise mal assortie. Alhamdulillah, heureusement que maman priait tous les jours. Je pourrais même faire des claquettes, les yeux pendés sur l'autoroute. Je pars en excès de confiance. Tu saches que j'en ai rien à foutre de ce que t'en penses. Absence d'enfance, les moments durs avec les excès, je les compense. J'ai quitté le pot qu'on familiale. Sur un coup de tête du taron, je roulais ma Porsche à la veuclette. Ça peu importe la direction, être en galère, on sait ce que c'est passé ces nuitées sur un banc en attendant que le jour se lève pour égayer son baluchon. J'ai dû faire face à la débrouille, me contenter du nécessaire. J'ai vu combien la vie c'est dur, mais j'ai pas vu la fée clochette. Quand fallait chourer tout ce qui bouge en l'éculé, supermarket, trois mois clavier, tu la découpes comme un jetou sur une plaquette. J'ai rien à foutre, c'est nos pain again. Celle, j'ai tout fait mes peines, sceptique avec un joint. Je suis confié à mes doutes, ça m'a coûté cher. Fier malgré les échecs, toujours su que j'allais m'en sortir. Puis je me suis dit rien à foutre, c'est nos pain again. Celle, j'ai tout fait mes peines, sceptique avec un joint. Oui, je me suis confié à mes doutes, ça m'a coûté cher. Fier malgré les échecs, toujours su que j'allais m'en sortir. J'ai toujours su que j'allais m'en sortir. Non, je ne me laisse jamais mourir. Et dans le doute, je lâche bien. Même si je coule, je ne sais rien. J'ai toujours su que j'allais m'en sortir. Non, je ne me laisse jamais mourir. Et dans le doute, je lâche bien. Même si je coule, je ne sais rien. Malgré les coups durs, je me suis forgé. Je suis resté la même, les poings serrés. À me battre pour ce que je veux vraiment. J'ai avancé, je préférais me battre que renoncer. Je ne laisserai personne m'induire en erreur. J'ai toujours été sûr de ma valeur. J'ai toujours su que j'allais m'en sortir. Non, je ne me laisserai jamais mourir. Yeah, dans le doute, je ne sais rien. Même si je coule, je ne sais rien. J'ai toujours su que j'allais m'en sortir. Non, je ne me laisserai jamais mourir. Même dans le doute, je ne sais rien. Je lâcherai rien. Yeah, Paris Saint-Germain. Alors l'ensemble, l'équipe, YKX, tout ça. La famille Maréga, tous les mecs au placard. Aïe, Coco, tous les mecs enfermés. Gardez la pêche, les frères. Yeah. J'ai toujours su qu'il fallait que je relève la tête. Toujours su que le bonheur m'attendait de pied ferme. J'ai jamais voulu abandonner. Donc aujourd'hui je profite de ce que la vie m'a donné. Aïe, gros morceau également. Voilà. Issu des chroniques. Tu voulais dire quelque chose d'ailleurs, Masca, non? Ouais, là j'ai un cadeau pour tous les Watisalda et tous ceux qui aiment ma musique. C'est la pochette de mon album qui est sur mes réseaux sociaux que je balance là maintenant tout de suite. À l'instant même, là? Donc ouais, tout de suite. Ah bah, je vais la découvrir tout de suite. Vous pouvez aller regarder. C'est alors sur l'Instagram, c'est Masca09. Et pour le Twitter, c'est MascaLeBlanc9. Donc regardez tout de suite, c'est un concept où en fait je suis dans un sablier et le temps est en train de me bouffer, mais je rappe quand même parce que malgré le temps on est pris par notre passion. Et après derrière la cover, le concept continue, même dans le projet d'après on sera toujours dans un concept lié à celui-là. Donc voilà, on travaille, classe, on réfléchit, classe, on la pochette, résultats. Yes. Classe, j'ai là devant les yeux. Sombre un peu, est-ce que c'est parce que les morceaux seront aussi sombres? Non, les morceaux dans l'album c'est vraiment en couleur de section d'assaut. Il y a beaucoup de musicalité, mais le rap est vraiment mis en avant. Ma couleur ça a toujours été la plume, l'écriture. Donc voilà, mais après j'ai pris, je me suis un peu plus élargi. J'ai, comme je t'ai dit, j'ai fait des cours de chant cette année, donc j'ai pu pas aller dans des notes de ouf non plus, mais dans des trucs raisonnables qui me conviennent bien. J'en ai pas trop fait non plus pour pas choquer les gens. J'ai fait beaucoup de featuring parce que c'est la musicalité qui passe avant tout. Donc il y a beaucoup de membres du Watibé qui sont au refrain. Et beaucoup de rap dans l'album et des thèmes abordés comme les gens seront surpris d'un côté mais seront pas déçus parce que c'est quand même du Masca mais à l'image de Section d'Assaut. C'est vraiment un album avec la musicalité, la couleur de Section d'Assaut, mais en me mettant en avant tout simplement. Et bah écoute, la pochette on la découvre, on peut la mater maintenant sur les différents réseaux sociaux. Est-ce que t'as vu à quel point la pochette est jolie? Ah mais je regarde ça, je trouve ça très classe. Alors imagine ce qu'il y a à l'intérieur du projet. Je me dis le blanc, l'homme est carré. Si moi ce que je veux dire, c'est le seul qui a l'air au rendez-vous. Si c'est à la hauteur de la pochette, on va pas être déçu. Hein. J'étais au studio et je peux dire que c'est encore mieux. Lourd, allez le pécho. 20 octobre prochain, l'album de Masca, ça y est, la pochette est dévoilée. Espace-temps, vous pouvez la mater. On l'a balancé aussi sur le Skyrock.com FM et sur les applications à l'instant. Le morceau qu'on écoutait, j'ai toujours su avec Charlie Bell qui est là avec nous, avec JR, avec Doomams. On va écouter un autre titre dans un instant, il y aura du live aussi. Et par téléphone, on est avec H. Bertom de Toulouse. Salut monsieur. Ouais. Allô. Ça va bien? Allô. Ouais, ça va et vous? Tiens, le 24 septembre, il y a Loi qui débarque dans ta ville, c'est au Météorite. À ouais, ouais, à 16h. Je connais, ouais. Bienvenue, okay. H. Bertom, tu viens rapper avec nous? Ouais, ouais. Et bah, c'est voilà. Session freestyle par téléphone, t'as une 30 pour tout déchirer, on t'écoute. Ok, ça marche. Oh. Ok. Et ça fait. Ok, Et je me lance comme Broly, tout dans la tête comme Cody. Sur tous mes chèques, je veux 4-0 comme sur le logo Audi. En fait, c'est que le minimum, te parle pas du maximum. Car oui, bien sûr, il me faut plus la vie de rêve pour mes mômes. Comme pas mal d'hommes, je veux des sous, je veux mon. On a une vie de vrai qui a marché dans les rues d'Alas. Mais quoi qu'on passe un jour ou l'autre, on sera tous enterrés. Profitons bien de tout ce qu'on a, car le temps m'a tartaré. Puis ça, faut qu'on l'accepte, faut bien se le faire à l'idée. La vie, c'est pas un film, encore un mois. Même si tu te la pètes, tu peux te faire un. En plus, te taire les bras croisés, tu. Cela m'importe d'où tu viens, que tu sois pasteur ou marin. Emporte ma vie copulin, je veux qu'elle fasse un très long chemin. Qu'elle connaisse un voyage éternel qui n'y est plus jamais fin. Qu'elle trouve sa place parmi les autres et telle doit être son destin. Check, j'ai jamais voulu rapper, j'ai du talent qui paraît. Depuis que j'ai commencé, j'essaye de faire les choses d'un carré. Ton choix n'est plus mitigé, fallait pas me négliger. Tâche, personne le savant pour maintenant c'est bon t'as pigé. Pour prendre le rap, game en main, il faut que je possède la manette. Ne pas tirer les joueurs avant d'avoir posé la charrette. Mais si t'as pas compris, je te l'explique si tu veux. C'est l'expression mais pas charrue avant les bœufs. Yeah. Ok, je suis paré, on va pouvoir se marrer. Sur l'instru, je me pavane pour moi, c'est une promenade de santé. Le game, c'est un truc de fêlé, donc je viens juste pour m'en mêler. Je suis de retour pour un moment, tu pourras plus me fêler. Blé. Et yes, Hbertom à l'instant, carré, sur le fond de la section. J'avais du mal à entendre l'instru là. Eh bah, on sait, c'est compliqué par téléphone, mais bravo, tu t'en es bien tiré. Merci. Moi, franchement, j'ai vu qu'il y avait un petit flow, hein. Franchement, pas mal du tout. Hein. Ouais, merci. Et bah, bravo à toi, tu veux balancer une adresse où on peut te retrouver sur le net? Ouais, je veux bien, ouais. Donc, sur Facebook, c'est Hbertom, donc H-Bertom, B-E-R-T-O-M. Sur Twitter, c'est H-8-B-E-R-T-O-M. Et voilà, quand vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Twitter et même sur Snapchat et Instagram aussi. Et bah, merci à toi, Hbertom. Voilà. Je peux passer une dédicace? Vas-y, on t'écoute. Donc voilà, je passe dédicace à Megasur, Ali, Enzo, Ness, Laura, Kevin, tous ceux de Toulouse qui me suivent, ma famille, mes frères et sœurs, Serena, Merveille, Horizon, et voilà quoi. Et bah, ça roule, merci à toi. Je peux juste une dernière chose? Vas-y. Sur YouTube, vous pouvez aller voir mon freestyle sur le concours Marine Monster. J'ai participé récemment, donc vous pouvez aller voir ça sur YouTube. Hbertom Marine Monster. On ira cliquer. Merci à toi, Hbertom, okay, en tout cas. Et bon courage pour la suite, Hbertom. On met un morceau avant de passer au live. Il y a un gros live qui se prépare. Ouais. On balance mes amis. Mes amis. Yeah. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti, mes amis. Yep. Septembre dans les bacs. Mes amis, j'ai compté sur la plupart du coup, j'ai sauté dans le mille. Partager mon cœur, mais j'ai des tonnes d'ennemis. Je pourrais te raconter ma life de façon triste et sans lire. J'ai mal au cœur, ami. J'ai compté sur la plupart du coup, j'ai sauté dans le vide. Partager mon cœur, mais j'ai des tonnes d'ennemis. Je passe mon time à méditer, j'essaie d'anticiper le pire. J'ai mal au cœur, ami. J'ai beaucoup d'amis et presque autant de déceptions. L'amitié parfaite ne restera qu'une inception. J'acceptais les faux, faisant autant pour moi. Car même dans le temps j'étais avec toi, je t'ai jamais pointé du doigt. Et je ne t'ai jamais causé tort. Et si je l'ai fait, pardonne-moi. Ne crois pas que je te néglige si je réponds une fois sur trois. Et si demain tout s'arrête, je n'irai pas tout recommencer. Parce qu'une amitié qui s'arrête n'avait jamais commencé. Avant d'être sincère avec moi, sois-le avec toi-même. Ne m'encule pas sous prétexte que l'erreur est humaine. Mon ami c'est moi et je suis mon ami. J'avance avec le peu de frères que j'ai, je m'en peur de tout. Mes amis, j'ai compté sur la plupart du coup, j'ai sauté dans le vide. Partager mon cœur, mais j'ai des tonnes d'ennemis. Je pourrais te raconter ma life de façon triste et sans lire. De B, de G. J'ai mal au cœur, ami. J'ai compté sur la plupart du coup, j'ai sauté dans le vide. Partager mon cœur, mais j'ai des tonnes d'ennemis. Je passe mon time à méditer, j'essaie d'anticiper le pire. J'ai mal au cœur, ami. À l'abri des coups de lame, j'écris la plume dans l'estomac. Mis de côté mes sentiments, mais pour en faire une carapace. J'ai pas les mots, ça suffit pas, ça fait grandir ou ça fait mal. Amour est mort, mais d'un virus virulent qu'on appelle j'ai rien à changer. Mais le victime, c'est comme les potes, on s'y attache, on se donne à fond. Pour la plupart, avec du recul, c'est pas rentable. On se comporte comme des hypocrites, sans rancune pour accoudoir. Quasi détruit de l'intérieur, imbibé d'armes et les grimoires. Combat survie d'émotion, je pars en guerre sans mitraillette. J'ai mal au cœur, je fais ma life à travers musique et concerts. Les amis, j'ai compté sur la plupart, j'en ai souffert. Aujourd'hui, je fais ma route, je reste à l'écart sans mon souci. Mes amis, j'ai compté sur la plupart, du coup, j'ai sauté dans le vide. Partager mon cœur, mais j'ai des tonnes d'ennemis. Je pourrais te raconter ma life de façon triste et sans lire. J'ai mal au cœur, ami. J'ai compté sur la plupart, du coup, j'ai sauté dans le vide. Partager mon cœur, mais j'ai des tonnes d'ennemis. Je passe mon time à méditer, j'essaie d'anticiper le pire. J'ai mal au cœur. Entre l'amour et l'amitié, chier, la certitude fera son poids. T'auras beau connaître tout un tas de meufs, mais une fois dans les bois, si tu dois chier qu'un corps, dis-moi quel serait ton choix. Une boule en plein milieu du thorax qui flirte avec le sang. L'amitié c'est juste un masque qui chèque à une tête de mort. Certains limites schizophrènes au niveau du comportement. Pour tous nos sortes, t'as de l'ombre qu'on a pu juger par leurs actes. Les vrais de vrais, coupe-moi 5, toi t'auras le chiffre exact. J'aime pas faire de nouvelles connaissances, traite-moi d'incandescent me connaissant. Chaque déception me rend méconnaissable. Moi je t'aime pour ce que tu es, toi t'aimes ce que tu veux que je sois. J'en veux pas, juste mes gavas avec qui je peux être moi. Ça plus jamais 10 cm moi. Les Ulysses. On pourrait se dire, je le sais, t'as changé comme moi. Mes amis, j'ai compté sur la plupart, du coup j'ai sauté dans le vide. Partagé mon cœur, mais j'ai des tonnes d'ennemis. Je pourrais te raconter ma life de façon triste et sans lire. J'ai mal au cœur, ami, j'ai compté sur la plupart, du coup j'ai sauté dans le vide. Partagé mon cœur, mais j'ai des tonnes d'ennemis. Je passe mon time à méditer, j'essaie d'anticiper le pire. J'ai mal au cœur, ami. 45 Orléans. À l'instant, mes amis, sur Skyrock avec le Watibé, les chroniques du Watibé, ça arrive lundi 15 septembre. Que des morceaux lourds. Que des morceaux lourds à découvrir tous les soirs de la semaine entre 20 et 21. Et maintenant, si vous êtes prêts, il est grand temps de passer au live. Alors, je ne sais pas qui va débuter. Est-ce que c'est Charlie? Est-ce que ça va être Maska avec Abou de Beng? Voilà, on va partir sur le morceau Ying et Yang, extrait, pardon, d'Espace-Temps le 20 octobre. Monsieur dans les de Beng, Monsieur de Beng est demandé au micro. Le Yang, ramène-toi. La colite. La colite. Donc ça c'est un morceau totalement inédit qui sort le 20 octobre. Hein. Voilà, là le morceau. Et on l'entend top tweet. Ok. Le Watibé. Merci, on a entêté. Allez pécho. Allez, c'est parti en live maintenant. Dur. Yeah. 20 octobre. Espace temps dans les bacs. Mascar. Si t'as déjà parlé au poste. Hein. Un. Yeah. T'as déjà parlé au poste, hein? Un. Yeah. T'as déjà parlé au poste, hein. Sois gentil, ne parle pas. Dans mon cœur, y'a du monde, hein. Et pour toi, y'a pas de place. Ouais, je sais, je me rabatte. Ouais, je sais, j'ai pas de barbe. Adama me le rappelle. Fais ça là, t'as pas le choix. Mes larmes coulent sur mes frères, transformés en passoire. Un mec bien qu'aimerait se poser, j'arrive plus à m'asseoir. J'reste debout et basta. Nique sa mère, j'suis pas stable. T'es qu'une niche d'eau de passage, une autre vie te remplacera. J'ai pas tout donné, hein. Juste mon corps, mais pas de cash. Tu m'aimes pas, c'est pas grave. Mon succès t'embrassera. Dans mon rap, y'a pas de faille. Sur mon chemin, y'a pas de dry. Tout me ment, mon pote fall. Tu me mens, j'suis haut de part. Wesh, me guille, on s'est connu en volant cette fille. Regarde ce qu'on a vécu, elle est pas violente cette vie. Descendre prêche en Italie, remplir des zéniths. Ils savent pas qu'on est des frères avec ou sans la musique. Je les danse sans la musique, comme un virus nuisible. Ouais, sérieux, c'est easy pour nous faire des tubes ici. Des frères me trahissent qui m'en tuent pas domicile. Si mes ancêtres sont des singes, Harry, j'ai pas d'origine. Je ligne des liens en même temps, intelligent et méfiant. On dépend tous d'un rectangle, carte bleue, billet de banque. Ça devient pas inquiétant, ça l'a toujours été. Mais le croyant ne s'inquiète pas, pour lui tout est réglé. L'opinion m'a stressé, je me sens sans cesse agressé par vos jugements, mais laissés. Moi j'ai déjà percé, qui viennent tous me tester. Je vais les tenir en respect. Plus de rime que t'espères, plus de haine que t'espères. J'ai modeste et pépère, mais viens pas tester un mec fier. Une pleine de cow-boys peuvent vite devenir un western. La beauté du monde réside dans le visage de mes gosses. Tout est paradoxal, un peu comme l'histoire de Rick Ross. C'est un pirate de l'époque, un navire me suffit pas. Et si le capitaine me bloque, les conséquences il subira. J'ai de la sueur sur mes draps, même quand je dors, je fais des efforts. Oui, l'avenir me sourit pas, car au bout il y a la mort. Aucune crainte de perdre la vie, mais de rencontrer des anges hardcore. Tu veux me complimenter, viens pas couronner un mort. Nous faisons sans te tout, il a besoin de se détendre. Alcool et femmes, les pétons, tu sais comment on se distrait. Oui, le diable est discret, introduit notre système. Nerveux, on s'y fait, Lucifer est si fier. Toi qui es misère, toi tu vis du deal d'herbe. À part toucher le smic, je me demande à quoi les flics servent. Pardonnez-moi si je rêve de les voir en civière. Ceux qui pèsent le plus sautent au fond de la rivière. Allô à bout, appelle des poufs, que le démon se libère. Rappelle-nous des sirènes avec des langues de vipère. Enfoncé dans un mur, pas besoin d'avoir ton mi-père. Location de tombe, oui ça rémunère les cimetières. Tu chies pas, tu fais le bonhomme et t'auras pas une vie de merde. Regarde vite rempli une haine, j'ai plus rien envie de faire. Ah, le plafond, le vent top. Le vent top dans les bras. J'ai pas les plus. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, le truc. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Paris by night à la recherche des acheteurs. C'est pas pour trouver l'âme sœur qu'on m'énoyait pas en after. Ma santé pas différée si j'ai pas d'alibi. Quand je vais en Belgique, je me dirige pas vers Walibi. J'ai jamais rien compris au matin vu. Donc je me retrouve à faire des ronds à tous les hommes de rue. Des récits fantastiques, des statistiques tactiques. On veut devenir obèse, mais l'état sert d'anneau gastrique. Quand je voulais qu'on me tente la batte, y'avait pas un chat. On te fait graille dans la même assiette, mais t'en as fait ton plat. Perse, tu viens. deviens un coach quand tu rêves. Les gens te confondent en espérant que tu crèves. Si un jour tu perces, ah, tu sens la rage quand je parle. Chez nous, c'est soit les putes, soit les keufs qui palpent. C'est la même combine qu'on dit ou vendre des compiles. On retourne dans tes compiles pour éviter compine. Ils veulent savoir si je possède des biens de grosse valeur. Je me demande avec quel arme va affronter le fossoyeur. 10 ans plus tard, je suis toujours le même putain de ghost rider. Je tourne en radio sans que tu m'entends. Je suis un ghost rider. Numéro par les 4 forces majeures. 17 ans en tôle sorti avec une force d'ailleurs. J'ai la dalle, je suis en chien, j'ai le mort d'ailleurs. C'est ce qui a failli nous faire braquer, c'est que c'est voyeur. On était convoyants, loin d'être visionnaires. On voulait, je faisais la rue en missionnaire. On voulait se déplumer pour des prises de bec. Ça jouait les gros frères aux premières prises de bec. Soit t'étais sur le terrain, soit t'étais mis sur le tank. On savait exiler tous les fils de traîtres. Les fils de traîtres ou les fils de lâches. On baignait dans leur son et on prit le large. Dépassé pour méga bâtard, j'ai l'art de le faire. Prendrai la vie de celui qui va enterrer mon âge de guerre. Rappelle-nous nos cambriolages en l'an 2000. 12 ans plus tard, en cellule, on se tape des barres de rire. Je donnais Paris de fond ton, ses côtés les plus sombres. Tu dois nasser ton cœur pour briller dans la pénombre. J'ai volé, j'ai raquetté, j'ai fait du mal à autrui. La rue m'a instruit, mais la rue m'a détruit. J'avoue, j'ai tabassé des gravons. Je me suis aussi mangé des KO pour tu verte la carreau. J'ai fait la salade, mais j'ai plus souvent commis des péchés. La question est-ce que ton gars bon va se faire repêcher. Assez, laisse le passé au passé. Mon gars masque m'appelle ce soir, y'a du gibier à chasser. Je croise à 9h pétante, je suis pas celui qui prétend. Je dors de tôt, je tire un coup, j'essaie sans me détendre. Je veux pas toucher une misère, je finirai en civière ou comme tout le monde au cimetière. Fais pas le con, c'est le bonhomme, t'auras pas une vie de merde. Regarde, il est rempli de haine, j'ai plus rien envie de faire. Octobre dans les bacs, Arbou de bang, Arbou dans les bacs, Arbou de bang arrive aussi. Le Ying et Liang. Je pense qu'on peut faire du bruit pour ce morceau à l'instant. Espace-temps, le 20 octobre dans les bacs. C'était quelque chose. On t'a dit ça. Avec Maska et Arbou de bang à l'instant. Gros morceau celui-ci aussi. Hein. Si. Waouh. Donc le 20 octobre, espace-temps. La pochette est déjà dispo, on peut la mater. Et puis là, avec ce morceau inédit, bravo, merci Masca de nous avoir filé ce truc à bout de bang. Et Black, qu'est-ce que t'en penses? C'était vraiment waouh. C'était waouh. Ça, Fred, là, c'était waouh. C'est pour tous ceux. C'est juste parce que dans le Wattibé, on aime faire de la musique. Waouh. Il y a beaucoup de sons qui sont festifs, comme Billet Facile, Profiter de ma life ou autre. Ouais, mais c'était waouh. Mais vous aimez kicker. Que super bobo à parler. On sait le faire. Ouais, mais c'est waouh. Bravo. Tranquillement, monsieur de Bang. Super bobo à parler. Maintenant, on va retourner. S'il te plaît, viens ici. Il y a beaucoup de talent dans la belle Wattibé. Là, on va vous montrer. Attention, Charlie. Charlie est debout. Charlie est debout. Charlie qui prend la parole. Et là, on change complètement d'ambiance. Mais bah, c'est très bien. Là, on se calme. Très bien, c'est bien. C'est bien d'avoir différentes ambiances. C'est aussi l'état d'esprit du ouais. C'est parti. Charlie, on t'écoute. Yeah. Charlie Bell. Charlie Bell, yeah. Charlie. Yeah. Salut, c'est Fousse Tangette. Dans ton Marcel trop serré, t'as tout ce qu'il faut pour plaire. Toutes mes copines vont jaser. C'est quoi ce corps d'athlète? Ouh, chérie, fais-moi défiler. Mais par contre, soyons clairs, c'est fou ce que t'es teubé. On veut pas tout avoir, non. Tu te bats avec tes armes. Bébé, faut pas que tu parles, oui. Je me contenterai de ça. Je ne voudrais pas te changer. J'ai fini par accepter. Si ça marche pour toi, bah ça marche pour moi. T'es toujours à côté, oui j'en ai rien à faire. Tes beaux yeux me font oublier. Montre-moi ce que tu sais faire. Ouh, fais-moi développer, coucher. On pourra faire la paire si tu veux bien la boucler. On peut pas tout avoir, non. Surtout le prends pas mal. T'es con mais c'est pas trop grave, oui. Je vais pas juger pour ça. Je ne voudrais pas te changer. Yeah. Le 15 septembre dans les Bacs. Et là je dis bravo, bravo. Bravo Charlie. Alors c'est vrai que c'était un autre morceau que celui qu'on a pu écouter, mais dans les paroles. J'ai fait la remarque. Ouais, mais attends, moi j'ai noté 2-3 trucs que je vais ressortir à des amis bodybuilding. T'as un corps de rêve, mais qu'est-ce que t'es teubé. Ça, je la note. Non, c'est pas tout le monde. Je sais à qui la sortir. Merci en tout cas. Le morceau Pousse la Fonte qu'on écoutait à l'instant. Bravo Charlie. Merci. Et on attend donc aux alentours du 20 novembre, hein, c'est ça pour Charlie le EP. 20 novembre. Et puis d'ici là dans les chroniques du What You Boss. Ah oui, il y a le clip en fait. J'ai vu qu'il y en a qui hier ils savaient pas dire c'était lequel, mais en fait c'est celui-là. Pousse la Fonte qui va être dispo en Le 15 réalité augmentée. Voilà, c'est en réalité augmentée, voilà. Ah bah voilà, réalité augmentée. Voilà la surprise. Bravo Charlie. Voilà. Donc c'est à dire que quand on aura l'album, on pourra voir le clip de Charlie. Voilà. En orientant avec l'application Watibé. Avec le téléphone. Réalité augmentée. Et franchement, en avant-première, c'est très très lourd. J'ai pour avoir vu le clip, les gens vont être étonnés. C'est toi qui pousse la fonte dedans ou pas? Les meufs vont kiffer. Franchement, le clip est étonnant. Il va y avoir des complexes. Mais il va y avoir des complexés. Moi, déjà, ils ont déjà commencé à pomper. Mais moi, j'ai une question à poser à Charlie Bell. Vas-y, Léon. Il y a un morceau que tu as fait avec Aboutal que je kiffe de fou malade. Mais en fait, j'aimerais bien savoir, c'est quoi un tutulutu? Explique-moi, s'il te plaît. Un tutulutu. Poto, à 22h30, poto, pas maintenant. Laisse tomber. Skyrock t'offre le concert des 2 méga stars US. Jay-Z, Stade de France. Naomi, Damien, ça va bien Naomi? Amiens. Skyrock, en merci. Merci de m'avoir appelé, moi ça va. Et bah voilà, tu t'es inscrit pour faire tourner la roulette. On y va, on va faire tourner. Et puis je te rappelle qu'à Amiens, il y a Black M qui débarque le 5 décembre au Zénith d'Amiens. Ah mais je l'ai vu il y a pas longtemps. Et bah tu pourras le revoir le 5 décembre. Reviens. Et dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. La roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Eh ben là, c'est ce week-end par contre. T'es libre? Oui, je suis libre. Jay-Z, Beyoncé, le concert au Stade de France. France, la chance. Merci, merci. Franchement, vous êtes la meilleure radio. La meilleure radio rap et R&B. Bah, ça fait trop plaisir. Vous êtes pour les gars. Merci, c'est gentil. Et voilà, bah merci. Eh ben, on te fait plein de bisous et passe un bon concert ce week-end avec Jay-Z et Beyoncé. Est-ce que je peux faire une dédie? Vas-y. Je fais une dédie à ma mère parce que je sais qu'elle m'écoute. Et à Kefenti. Ça roule. Bisous, Naomi. Merci. Ciao, ciao. Ouais, merci à vous tous. Ok, merci. Qu'est-ce qui se passe? Démon qui est là. Parce que il est là, Démon. C'est ça que j'allais dire. Démon, il est où, Démon? Il est là, Démon. N'ayons pas les piliers du rap, n'ayons pas la base. Là, la famille, un touche à plique. On a parlé de toi en début de semaine avec Dawala d'ailleurs. Oui, on m'a dit ça en plus hier. On a parlé de ça. Petite dédicace de, voilà, t'as vu, depuis 99, Pur Son Ghetto 1 jusqu'à La Vie de Rêve. La base. Et l'album qui arrivera en 2015, Démon. Oui, voilà. Intouchable, Inch'Allah. Très bien, on suivra ça. La base. Tranquille. Je voulais faire une petite dédicace à Jamila et sa fille. Et une dédicace aussi à Rifta et sa pote. Voilà. Eh ben, ça roule. Merci et à tout le monde de passage dans Planète Rap. Tu connais bien l'adresse. Ça fait plaisir de te voir. Moi, je veux faire qu'on fasse une dédicace et une ovation, s'il vous plaît, au DJ de Shinsekai. Parce que. Attendez. Non, justement, il faut bien différencier. Il y a DJ HQ et il y a le DJ de Shinsekai. Ah, pardon. Lil King. Il y a DJ Lil King. Alors, s'il vous plaît, Il est là. C'est celui qui, tu te rappelles, depuis qu'il a 12 ans, il fait des premières parties de Michael Jackson. J'avais mal compris. Je pensais pas que DJ Shinsekai, mais on peut saluer HQ qui est là aussi tous les soirs. Pendant qu'on me salue, justement, moi je voulais faire un gros big up à mon gars sûr, Serge Aurier, qui vient de se blesser avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire contre le Cameroun. Serge Aurier, on est fier de toi, qui nous a représenté pour rétablir. On commence à parler de football. Là. Et bah, le match de foot à suivre dans un instant. Mali-Algérie. Et d'ailleurs, Difool, est-ce que tu es connecté? Oui, on est connecté, Fredo. On est là, on a du basket aussi à suivre ce soir. Allez, les bleus dans le basket. France-Espagne à suivre. Mali-Algérie. Et ça va pas être facile, on va suivre ça en direct à partir de 22h. Grand match aussi, c'est vrai. Ce soir, il y a la France qui joue contre l'Espagne. Oui, oui, on sera là. C'est un très très grand match, on est derrière la France. Ah, bah nous aussi. Évidemment. À 21h là. On va fumer, on est derrière le Mali. Momo, il est pas content. Pourquoi? C'est l'Algérie en face du Mali. Ah, d'accord. Donc Momo n'est pas content. Ok, voilà. Bah écoute, Momo. C'est pas grave. On s'en fout. C'est pas grave. Bon, on suit ça en direct ce soir entre 21h et minuit. Merci Fredo. Et bah de rien. Et c'est quoi un turlututu alors? Elle va venir vous expliquer. Chapeau pointu. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, demain, peut-être la réponse. Soyez dans Planète Rap à partir de 20h. Radio Libre, c'est parti. Tiens, on aura des invités ce soir. Ah. On vous dit pas qui est cet invité mystère à découvrir ce soir. Non, pas d'indice. Pas pour l'instant. Oh. Non, tout à l'heure, peut-être. Garde tout Fredo. Pour lui. Oui, pour l'instant, je garde tout pour moi. Et si vous voulez débarquer ici, vous nous appelez au 01 53 40 30 20. Dès maintenant, c'est parti. Et vous avez un truc à dire, profitez. Oui, Fred. Non, j'avais un truc à dire. Ok. Ouais. Est-ce que vous allez passer l'énorme tube? Parce que pour moi, c'est le premier vrai gros tube qu'a signé Romano. Oh, il y en a quand même eu d'autres. Oui, mais là. Celui-là, je te dis, non, ça m'ouvre des portes. Voilà. Celui-ci, je pense, qu'ouvre des portes, des fenêtres, de tout, en fait. Oui. Est-ce que vous allez mettre du gigoté? Est-ce qu'on va mettre du gigoté, plus précisément. Pardon, oui, Fredo, attention, faut j'aimerais bien que tu annonces bien mon. Il faut être direct. Il faut annoncer correctement, oui. Mais comme je sais que j'ai bientôt de la voir en plus tout au long de la journée à l'annoncer, donc c'est comment le titre précis? Gigoté. Voilà. C'est ça, Fredo. C'est celui-ci, je reconnais. Gigoté. Ah, il suffit de le demander beaucoup, hein. Vous savez, c'est votre émission, vous faites ce que vous voulez. Donc vous nous demandez et nous, on fait tout ce que vous voulez d'ici minuit. Profitez si vous avez un truc à dire. Et Fred, l'annonce officiellement ce soir, il va y avoir un clip de tournée. C'est vrai? Ah ouais? Là, on est en train de travailler sur le scénario. Allez, déjà la pochette, elle déchire. Allez voir la pochette sur tous les réseaux sociaux, sur. YouTube, sur, sur Dailymotion et sur tous les réseaux sociaux de Skyrock. Il y a un super cul déjà à voir. Très beau cul, oui, voilà. Ça c'est clair. Est-ce que Marie va prêter son anatomie pour le clip? On a demandé à Cédric. Ah. Ben, c'est mieux, c'est plus sexy. Ouais, j'ai un cul côté. Parce qu'on n'a pas trop d'argent, donc bon, on fait que j'ai moyen de mort. Ouais. Marie, elle est trop chère. C'est genre. Bah, allez voir les fesses de Marie sur la pochette. Ouais, c'est ça. Ouais. Nous, on arrive tout de suite. Hein. Restez bien dans le coin, dans allez, une minute, un instant. Radio Libre, ça démarre, à tout de suite. À toutes. Salut Fred, ciao. Ciao. Ciao.